Voici, en 35 minutes environ, l'intégrale de « Histoire d'une fille de ferme ». Nouvelle écrite par Guy de Maupassant et publiée en 1881. Enregistrement de Jean-Paul Alexis, octobre 2018.